Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. C'est Karine Gravel au microphone et nous allons maintenant nous intéresser au mois de la nutrition. Donc, chaque année, le mois de mars, c'est un événement important pour les diététistes et la population générale parce que c'est le mois de la nutrition. Donc, ce mois-là nous permet de mettre en lumière une thématique pour promouvoir la saine alimentation et aussi faire connaître le rôle des diététistes auprès du public. Donc, c'est le sujet de la chronique de Charlotte Brochu, qui est stagiaire au baccalauréat en nutrition à l'Université Laval et qui nous propose un aperçu de cette belle campagne. Bonjour Charlotte. Bonjour Karine. Charlotte, c'est ta première chronique. Tu es une nouvelle voix à CKRL. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, de tes intérêts en nutrition? On aimerait te connaître. Oui, donc je suis présentement en troisième année au baccalauréat en nutrition à l'Université Laval. Puis je pourrais me décrire comme une étudiante qui a un côté scientifique, mais également un côté un petit peu plus créatif. Puis ce qui m'intéresse en nutrition, c'est d'aider les gens à développer une relation saine avec la nourriture et leur corps. Puis j'ai aussi un intérêt pour la création de contenu puis la transmission de mes connaissances, donc j'aimerais me diriger dans le secteur de la communication. Ah, c'est intéressant. Donc, bienvenue. Et puis, depuis combien de temps existe le mois de la nutrition? En fait, c'est une campagne qui a débuté à la fin des années 1970. Puis dans ces années-là, c'était une semaine de la nutrition, puis elle était organisée par des diététistes du secteur communautaire. Puis par la suite, il y a une tradition qui s'est propagée dans plusieurs provinces. Et c'est en 1981 qu'il y a eu la première semaine nationale de la nutrition, puis elle était organisée par l'Association canadienne des diététistes, qui est justement l'ancienne appellation des diététistes du Canada. Puis c'est finalement au début des années 90 que la semaine nationale de la nutrition est devenue le mois de la nutrition. Ah, et en 2019, c'est quoi la thématique pour le mois de la nutrition? En fait, cette année, la thématique, c'est découvrir le pouvoir des aliments. Puis c'est une continuité de la thématique de 2018. Donc, le message, c'est que les aliments sont bien plus qu'une source de nutriments. Mmh. Les nutriments étant les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines et les minéraux. Donc, découvrir le pouvoir des aliments, c'est de mettre en valeur les aliments dans leur ensemble, donc les bienfaits qu'ils peuvent apporter autant sur la santé physique que psychologique, mais toujours en tenant compte des besoins ou des défis auxquels font face certaines personnes. Donc ici, je peux penser, entre autres, à des conditions de santé particulières, à des préférences alimentaires et aussi à l'accessibilité à certains aliments. Également, dans les médias sociaux, on voit souvent circuler des mythes ou des fausses croyances sur la nutrition. Mmh, effectivement. Puis, c'est ça. Puis, justement, le rôle des diététistes, c'est d'aller au-delà de ces mythes puis de donner des conseils fiables sur la nutrition qui sont basés sur la science. Mmh. Et à part les diététistes, est-ce que c'est possible pour le public et aussi les organismes de promotion de la santé de s'impliquer dans le mois de la nutrition? Oui, c'est possible autant pour les organismes de promotion de la santé et le public de s'impliquer pour le mois de la nutrition. Oui. Donc, sur le site des diététistes du Canada, il y a des ressources et des outils qui sont disponibles pour les intervenants et le public, puis ils peuvent organiser leurs propres activités ou demander l'aide d'un ou d'une diététiste. Mmh. Et est-ce que tu peux nous parler davantage de ces ressources-là, des outils qui sont disponibles? Qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, donc comme je viens de vous mentionner, sur le site des diététistes du Canada, mmh, on peut y retrouver une affiche du mois de la nutrition, 5 fiches d'information qui peuvent être imprimées et distribuées. Puis également, il y a 29 idées de recettes sur Cuisine Idée, mmh, qui est une application qui a été développée par les diététistes du Canada. OK. Puis aussi sur le site Internet, il y a une boîte à outils de l'ambassadeur. Puis elle permet de donner des idées de comment utiliser les outils que je viens de vous mentionner. Puis, je peux vous donner un exemple. En fait, il pourrait être possible d'organiser une dégustation d'une recette du mois de la nutrition dans un milieu de travail. Mmh. Donc, toutes les activités, c'est comme des activités clés en main pour nous donner des idées, justement, si on s'évite d'avoir à préparer tout ça nous-mêmes. Tout à fait, parfait. Exactement. OK. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve, là, je suis curieuse, là, sur les 5 fiches d'information prêtes à utiliser? Oui, fait que les 5 fiches d'information, en fait, ils présentent un sous-thème du thème « Découvrir le pouvoir des aliments ». Oui. Donc, les sous-thèmes sont le pouvoir de nourrir, le pouvoir de faire découvrir, le pouvoir de prévenir, le pouvoir de guérir, pardon, et finalement le pouvoir de rassembler. Et là, j'aimerais ça qu'on se parle de ces différents pouvoirs-là. C'est quoi le message, par exemple, de la première fiche d'information qui est le pouvoir de nourrir? En fait, le pouvoir de nourrir, la fiche, elle parle de l'importance d'intégrer des collations nutritives au menu de la journée, mais évidemment toujours en respectant ces signaux de faim et de satiété. Donc, le fait de prévoir des collations tout au long de la journée peut aider à maintenir un niveau d'énergie satisfaisant. D'accord. Puis, la deuxième fiche, le pouvoir de faire découvrir, est-ce qu'on s'adresse aux enfants? Oui, exactement. Oui. En fait, le pouvoir de faire découvrir, c'est de favoriser l'acquisition de saines habitudes alimentaires dès l'enfance. Exactement. Puis, en encourageant les jeunes à développer des aptitudes culinaires et aussi leur connaissance en nutrition. Puis, comment les aliments ont le pouvoir de prévenir? Venir ici, ça concerne plus les maladies, j'imagine? Tout à fait. Oui. En fait, la saine alimentation, elle peut contribuer à prévenir les maladies chroniques, comme le diabète de type 2 et les maladies du cœur. Oui. Donc, par exemple, la diète méditerranéenne, c'est une diète qui fait partie des modèles d'alimentation qui ont fait l'objet de plusieurs études. Puis, les bienfaits, en fait, de ces modèles d'alimentation-là sont reconnus. Okay. Donc, les bienfaits qu'ils ont sur la santé. Puis, ces modèles d'alimentation, ils recommandent les mêmes aliments comme les fruits et légumes, les grains entiers, les légumineuses, les noix et graines et le poisson. Et le pouvoir de guérir, ça, c'est le quatrième pouvoir. De quoi il s'agit? Oui, c'est que les diététistes, c'est des professionnels de la santé qui travaillent avec les médecins, les infirmiers et les pharmaciens pour traiter adéquatement certains problèmes de santé. Donc, l'alimentation, elle peut jouer un grand rôle sur la prise en charge de certaines conditions de santé. Puis, je peux vous donner des exemples comme le diabète, l'hypercholestérolémie ou bien la maladie cœliaque. Ouais. Et le dernier pouvoir, en fait, le pouvoir de rassembler. Alors ici, de quoi il s'agit? Les aliments, ils permettent de partager des repas en famille et entre amis. Puis, c'est une pratique dont les bienfaits ont été démontrés. Par exemple, c'est prouvé que les adolescents et les enfants qui mangent en famille, ils ont de meilleurs résultats scolaires, puis aussi ils consomment plus de fruits et de légumes. Puis aussi, les personnes âgées qui mangent avec d'autres personnes, en fait, elles sont moins à risque de souffrir de malnutrition. Puis ça peut expliquer pourquoi manger en bonne compagnie, c'est maintenant une recommandation qui fait partie du nouveau guide alimentaire canadien qui vient tout juste de sortir en 2019. Oui, donc ça, c'est bien intéressant, je trouve, ce pouvoir de rassembler. Puis c'est vrai, comme tu disais en introduction, ça va bien au-delà, le mois de la nutrition va bien au-delà des nutriments puis de ce qu'on mange, mais c'est vraiment le contexte aussi dans lequel on mange. Puis à part l'utilisation des ressources, des outils, certainement du matériel disponible sur les médias sociaux. Hein? Oui, en fait, on encourage l'utilisation des médias sociaux justement pour favoriser la diffusion des messages du mois de la nutrition. Oui. Donc, on encourage les gens à partager ou à commenter les articles du mois de la nutrition qui les intéressent. Donc, ça peut être des articles qu'on retrouve sur des blogs, sur des forums. Puis, on encourage également les gens à utiliser le mot « clic » ou en anglais « hashtag mois de la nutrition » sur les médias sociaux. Ouais. Puis en résumé, qu'est-ce qu'on retient de cette campagne-là du mois de la nutrition? Bien, ce qu'on retient du mois de la nutrition, c'est l'importance des diététistes parce que c'est des professionnels de la santé, en fait, qui ont suivi une formation rigoureuse sur la nutrition. Puis le mois de la nutrition, c'est un événement rassembleur. Puis tout le monde est invité à participer, puis également à mettre en valeur l'importance d'une saine alimentation au quotidien. C'est intéressant. Et je vais me permettre une dernière question. On entend souvent le mot nutritionniste, le mot diététiste. C'est quoi la différence entre ces deux titres-là? Bien, en fait, au Québec, les titres réservés de diététiste et de nutritionniste, ils représentent la même profession. Oui. Donc, autrement dit, c'est des synonymes. Au Québec. Exactement. Puis, c'est seulement les membres de l'ordre professionnel des diététistes du Québec qui peuvent porter les titres de diététiste et de nutritionniste. Oui. Puis, il existe également le titre diététicienne, qui est un titre réservé pour la profession, mais on l'utilise plus vraiment. Là, c'est un titre plutôt désuet. D'accord. Puis, le titre de diététiste, c'est un titre réservé partout au Canada, alors que le titre de nutritionniste, c'est un titre seulement réservé dans certaines provinces, dont le Québec. Ah, d'accord. Bon, alors au Québec, ce sont des synonymes. On peut utiliser les deux. Donc, merci beaucoup, Charlotte. Donc, pour en savoir davantage sur le mois de la nutrition, on peut visiter le site web www.moisdelanutrition2019.com. futursimple.ca et on pourra ajouter le lien là, sur la page Facebook de Futur Simple. Donc, nous étions en compagnie de Charlotte Brochu, stagiaire en nutrition à l'Université Laval. Et c'est maintenant l'heure de la pause musicale sur CKRL 89.1. Et au retour, Valérie Levé nous présente un livre sur l'intelligence artificielle et aussi un dossier pour nous inviter à avoir un regard critique sur la science.